Bonsoir à tous, chers amis de l'au-delà, et bienvenue à bord du vol 000 de la crypte de l'Horreur Airlines, qui vous fera décoller de chez vous, en direction de l'enfer. D'après le bulletin météo, nous allons traverser des turbulences. Nous vous recommandons de garder vos ceintures attachées pendant tout le vol et de préparer vos cinq vomitoires. Préparez-vous à vivre le voyage le plus effrayant de toute votre vie, d'autant plus que ce sera peut-être le dernier.